Bruck s'était tourné vers Anna avec une sorte de fureur. Il attendit tout d'elle, comme il avait tout attendu de Serena, tout, c'est-à-dire la guérison et le sens. Mais Anna ne renfermait pas d'autre sens qu'elle-même, et préoccupée par son propre plaisir, lui parut au bout de quelques semaines comme une aveuglante illusion. Il ne pouvait renoncer à elle, sans renoncer à toute sa vie, parce qu'il avait chargé son désir pour elle d'une rupture capitale avec le passé. Mais leur désir n'enfantait que le vide, qui s'épanouissait parfois en une ivresse de vivre et parfois en une angoisse indicible. Anna n'avait rien d'autre à offrir que ce qu'elle offrait au premier abord, une force vive. Cette force était aveugle et sourde. Lorsque Bruck comprit qu'il ne pourrait jamais posséder cette force, mais seulement boire par instant quelques gouttes, il se sentit lui-même dépossédé de la sienne. Sa révolte, qui avait eu un écho si fort, si rassurant, en Serena, ne déclenchait chez Anna qu'un amusement destiné à se transformer rapidement en agacement. Anna aimait la liberté, mais elle haïssait la révolte, et son indépendance n'était que le fruit d'un égoïsme forcené. Elle-même se lassait des faiblesses de Bruck, elle se montrait réticente à tout engagement de l'avenir, et ne voulait donner aucun sens à leur amour. Elle se moquait de ce que leur désir avait détruit, et chassait généralement l'idée de Serena du revers de la main. Ils s'appliquèrent donc tous deux à rire de tout sans parler de rien, à vivre un présent qui n'avait ni racine ni perspective, jouant une comédie amoureuse gratuite et pourtant nécessaire, pour l'empêcher lui de sombrer dans le regret et pour la maintenir, elle, dans l'état de légèreté en dehors duquel elle suffoquait.